parler avec David Simard de ce qui s'est passé dans la région en patinage de vitesse sur contre-piste dernièrement. C'était des qualifications seniors. Il y a eu les Jeux du Québec qui étaient pas mal occupés. Salut David. Salut, ça va? Ça va bien, David. On va commencer avec les Jeux du Québec puisque c'était la semaine passée. La région a quand même bien fait encore. Et je sais qu'il y en a une dans le coin d'ici qui a bien fait. Je pense qu'il a remporté une médaille, c'est ça? C'est Alexandre, oui. Ouais. Deux médailles, en fait. OK. Donc la région va encore très bien si on suit ce qu'on a ben, vu. En fait, au classement général, des pointages avec autant hommes et femmes et relais, on a eu la bannière des Jeux du Québec. En fait, ça veut dire qu'on a gagné là, au niveau du pointage. Okay. Ça, c'est important déjà en partant. Ça veut dire que ça montre qu'on a une équipe constante. Que tous les niveaux d'âge, dans le fond, ça a commencé à 12 ans jusqu'à 15 ans. Mais sur chaque stade d'âge, donc il y en a 4 qui sont très qu'on est performants. On est parmi les top 5, top 7 environ dans chaque catégorie. Fait que ça c'est important pour nous, pour la région. Ça montre que oui, on n'aime pas la profondeur. Il y a d'autres régions qui sont fortes. Mais d'autres régions, ils ont un ou deux patineurs qui performent beaucoup. Fait que ça nous a aidé nous autres aussi pour les relais. C'est-tu encore pas mal Saint-Félicien qui était amené la MEC ou Chicoutimi, c'est ça Marc Gagnon finalement? Ben, en fait, c'est pas mal cette année. Non, c'est pas mal partout. C'est du centre régional. Beaucoup les patineurs sont un petit peu plus jeune. Trois patineuses de Chicoutimi, le Labé, dans le fond, là, dans notre secteur. Mmh. Après, on avait trois ou quatre patineurs d'Alma. Trois patineurs d'Alma. On avait après ça un patineur de Saint-Félicien. Okay. Et ça tourne autour de ça. Là, je pense qu'on est pas mal autour de ça. Là, on avait ça, on avait quatre patineurs de Chicoutimi, c'est vraiment avec ça. On avait quatre patineurs de Chicoutimi. Pas de Dolbeau. Je pense que la région. Dolbeau, non, cette année, il n'y en a pas. Il y a un petit gars qui est pas assez proche. Okay. Mais c'est un gars d'Allemagne qui a eu la place un petit peu. En théorie, il y avait un autre patineur, ça. OK. Donc, c'est vraiment révélateur de ce qui se passe avec c'est le fun de voir qu'il y a encore, la relève est encore là. Regarde au niveau senior, beaucoup, beaucoup de seniors extérieurs pour le passé. Ouais. Un peu moins cette année, par exemple. Mais, cette année, on en a eu cinq qui étaient là. Ouais. L'année passée, on était tous sur la limite, là, pour se faire sélectionner. J'avais pas envie d'avoir six personnes au niveau des seniors, là, cette année, qui étaient carassées. J'étais comme sur toute la borderline, sur tout le temps. À ce niveau-là, mais c'est comme niveau national, là. Fait que, c'est des seniors, des seniors, du monde beaucoup. Pour les Jeux du Québec, c'est une très bonne performance. On a gagné la bannière au niveau des patineurs. On a gagné aussi le niveau masculin. On avait une bonne chance au niveau féminin, mais on a une petite période de chute autant de qualification. Donc, ça nous a sorti un petit peu tout de suite la condition. Mais je suis une grosse victoire, même sans problème et sans personne qui était en arrière. Là. Fait que pour nous autres, c'est très important. Ça, c'est notre équipe de gars qui est très la grosse profondeur. Des gars plus jeunes, des gars rapides, que je peux peut-être rêver qu'elle a gagné versus les autres régions. Autant être plus jeune, plus capable de compétitionner contre tout le monde. Fait que les quatre patineurs ont réussi à remporter une médaille d'or. Par la suite, on a Alexandre Simard. Alexandre Simard de Saint-Vicien. Donc, très bonne performance. En fait, il y a eu, justement, j'arrive au niveau de son résultat, Alexandre, pour avoir les points exacts. Donc, Alexandre, il a réussi à gagner 400, il est arrivé troisième au 400 mètres, donc, médaille de bronze. Ça, c'est super bon. Ça montre qu'il est très rapide, tout ça. Puis aussi, je pense qu'il y a une médaille d'argent, je ne me trompe pas, au 1000 mètres. Puis, on a eu une très bonne performance au niveau du relais masculin. Fait que c'est, en fait, deux médailles au total, je crois, là, à ce niveau-là. Fait que c'est très bon pour lui. Puis, ça revient bien. Okay. C'est un bon patineur. Là, fait que pour Saint-Vicien, c'est super. Qualification senior, grosse compétition quand même. Ouais. Un patineur du Zodiac qui était présent à ce niveau-là, qui est Mélina Tremblay, donc première expérience, jeune patineuse. Donc Mélina, elle, c'est ça, on peut passer beaucoup avant elle, Rosalie qui a fait les mondiaux juniors, puis Léa, mais elle montre son attitude de son côté, donc très jeune pour faire cette compétition au niveau senior d'habitude, on se classait pas là. Là, présentement, elle réussit à se classer cette année. Bonne performance pour eux, une 27e position sur 32. Tu sais, on regarde ça, c'est pour ça. Ils faisaient deux fois chaque distance. Fait que c'était quand même plusieurs courses par jour. Très difficile. Fait que pour elle, je pense que c'est du gros volume. Malgré tout, on est sans s'en sortir parmi les autres filles. Donc, 27e, c'est bien. Un très bon résultat au 1000 mètres, 19e. Pour elle, c'est super. C'est sa meilleure position. Fait que là, ça autant par la distance que par le... que par le pointage total, mais pour le pointage total avec ses autres distances, elle met une 27e. Seulement, elle est dans la vague de sa course présentement. Mais pour elle, pour cette année, c'est important. Ça lui permet d'avoir un bon classement canadien, d'être parmi les meilleurs, puis peut-être d'être sélectionné aussi Nexion, aussi l'année prochaine, ou relève, ce qui va, ou espoir, ça va lui permettre d'avoir soit des subventions de la fédération et peut-être aller faire aussi des compétitions à l'extérieur. Ça, c'est intéressant pour elle. Ça pourrait être autant en Europe qu'en Asie. Ça peut être le fun. Fait que c'est un nouveau réseau de compétition qui est créé au niveau international. Là. Les Catherine Mailloux, les Karina Montmigny, Karina, en fait, Karina était là, c'était la prochaine suivante. On avait une autre personne de la région de la suivante par la suite. Fait que on était comme tous dans la même position. Ouais. C'est des jeunes patineurs qu'on a comme Karina aussi. Fait que ils voulaient tous y aller, mais Karina, elle c'était pour qu'elle un peu loin un pointage, puis la patineuse de Chicoutimi aussi, c'était un pointage que c'est comme 10 points qui sont pas partis sur une possibilité de 5000. Fait que tu sais, c'était pas énorme l'écart de pointage. Fait que quand même, on a eu le bon résultat. Puis eux, la semaine prochaine, vu que c'est des plus jeunes, c'est le championnat canadien junior, donc notre championnat canadien pour les patineurs de 13 à 19 ans, donc ils vont compétitionner. Donc en fin de semaine, comme on a Karina Momini qui est classée deuxième au classement général, qui va être intéressante à surveiller la région du lac. Puis plus des petites filles dans le mot aussi qui vont être présentes aussi à ce niveau-là, qui vont être intéressantes. OK. Donc on s'en reparle, on est assuré de s'en parler au moins cette semaine, là. Oui, on peut se reparler facilement cette semaine. Moi, je reviens, en fait, je pars jeudi, je reviens dimanche, je suis à Sherbrooke. Fait que je vais avoir mes résultats à ce niveau-là. C'est une grosse compétition majeure. Puis c'est notre championnat provincial aussi, en même temps, là, par catégorie d'âge, pour sélectionner les patineurs qui vont faire les championnats de l'Est du Canada. Donc, les patineurs jusqu'à 15 ans là, qui ont la possibilité d'y aller. Donc, une autre belle compétition pourrait être faite à ce niveau-là. Okay. Il y a une petite note qu'on pourrait faire sur les seniors qu'on a eu. Ouais. On a une nouvelle patineuse qui s'en vient, qui a fait des Coupes du Monde cette année, Claudia Gagnon. Donc, il y a une fille qui s'était entrée, elle, pour aller faire le championnat du monde en elle, Cassandra. Donc, Cassandra a fait le championnat du monde, elle a fait le championnat canadien en fin de semaine passée, elle a réussi à remporter. Donc, pour elle, ça la met vraiment très bien placée pour les prochaines années. Là. C'est une qui va être à surveiller à ce niveau-là, au niveau féminin. Vient de la vie, elle vient de la vie, oui. Elle va suivre les traces de Valérie Maltais. Ça va rire, ça a passionné beaucoup avec Samuel aussi quand il était plus jeune, fait que c'est intéressant. Okay. Ben, David, on s'en reparle lundi? Oui, sans problème, fait que bonne semaine, on s'en parle. David Simard, notre collaborateur de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste. Merci David. Oui. Merci.